Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. À 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est l'événement incontournable de la semaine, celui où se presse l'ensemble des médias. La réouverture d'une grande institution, créée en 1843, cachée entre boulevard Saint-Michel et rue des Écoles, à une enjambée de la Sorbonne et au cœur du quartier latin, le musée de Cluny. Après des années de travaux et de fermetures, c'est bien la renaissance du musée national du Moyen-Âge dont il s'agit. Rendez-vous a donc été pris afin de rencontrer au cœur de son musée l'incontournable spécialiste de la période, Isabelle Bardiès-Fronty, conservatrice générale du patrimoine. Isabelle Bardiès-Fronty, je vous attendais, mais vous l'attendiez. Ce n'est pas une restauration, c'est une renaissance. Écoutez, oui, d'une certaine manière. Si on se passe du point de vue de la muséologie, pour le musée de Cluny, c'est une renaissance. Et une renaissance aussi parce que c'est un retour à une forme de lisibilité du site archéologique, antique d'une part et médiéval, qui est, à mon avis, très bienvenue. Pour que les gens puissent trouver leur repère dans un monument historique qui est également un musée monument historique. Et en cela, je crois qu'il y a une renaissance, une lecture renouvelée de cet îlot monumental extraordinaire que constitue l'enceinte du musée de Cluny. 7 ans de restauration, c'est bien ça? Oui, j'ai presque envie de dire un peu plus, parce que j'ai envie d'inclure cette restauration de l'intrados de la voûte du Frigidarium, qui nous a occupés dès 2009. Donc une belle décennie, et 7 ans d'activité dense, qui nous ont permis certaines redécouvertes, une réflexion collégiale de l'équipe du musée, et une proposition nouvelle pour un parcours qui suit le fil d'Ariane de la chronologie. Alors le bâtiment est assez extraordinaire, c'est un bâtiment, une sorte de lieu magique, caché, un édifice dont on ne sait si entre Moyen-Âge et 19e, quoi est acquis, c'est ça? Alors oui, alors quoi est acquis? Je me permettrai de vous dire, Vincent, si vous le voulez bien, que ça commence même avant. À partir du moment où les thermes sont abandonnés dans leur usage thermal, on a beaucoup de mal à savoir quoi est acquis. Je vais prendre un tout petit exemple, c'est cette appellation sur les premières chartes que nous ayons au XIIe siècle, de ce palais des thermes qui semble indiquer qu'il y a la mémoire d'une part de la vocation thermale antique et une dimension palatiale. Partant, c'est la raison même pour laquelle nous avions trouvé que les temps mérovingiens étaient une exposition très bien posée dans le Frigidarium. Si c'est toujours debout ce monument antique, c'est qu'il n'a pas cessé de servir, on est d'accord. Et n'a-t-il pas eu, dès le début du Moyen-Âge, une occupation, éventuellement palatiale, qui explique qu'à un moment donné, quand les abbés de Cluny se portent acquéreurs d'un terrain en immédiate proximité et qui embrasse une partie des vestiges, ils puissent venir installer, appuyer l'hôtel, parce qu'on ne gâche rien, l'hôtel médiéval, qui aujourd'hui, tel que nous le connaissons, qui est un second état d'hôtel médiéval, celui que construit Jacques d'Amboise à partir de 1485, bon, évidemment, il a complètement annulé toute la partie orientale des thermes antiques, mais il vient sans doute encore utiliser le Frigidarium, ce qui nous vaut de l'avoir encore aujourd'hui. Alors, ce quoi est acquis, nos sources sont assez sporadiques, mais à un moment donné, les abbés de Cluny sont là, on connaît leur parcellaire, y compris pour le jardin, dont nous espérons faire une proposition d'évocation à l'horizon 23-24, on verra si on arrive à le faire. Et puis l'histoire moderne, au moment où les abbés de Cluny ne sont plus les propriétaires, la Révolution française. Et on sait qu'il y a des gens qui, dans l'hôtel de Cluny, habitent, parmi lesquels un se propulse en 1833, qui est Alexandre du Sommerard, qui arrive avec son adolescent de fils Edmond. Et lorsqu'il meurt, 10 ans après, Alexandre, Edmond, avec sa mère Adélaïde, convainc l'État français de se porter acquéreur de cet hôtel de Cluny, de convaincre la ville de Paris, qui avait fait du Frigidarium antique son dépôt lapidaire, de bien vouloir céder à un ensemble monumental auquel contribue phénoménalement Albert Lenoir, qui pense à un paysage muséal qui comprenait ce couvent des Mathurins qui n'existe plus aujourd'hui. On possède des dessins magnifiques à l'INHA qui tout montrent cette ambition monument historique et musée déjà. Mais il y a un îlot urbain. Et cet îlot urbain, il est peu à peu dégagé. Au cours du temps, les premiers grands acteurs du dégagement de cet îlot urbain, c'est l'abbé Grégoire, en fait. Puis après, il y a les travaux du Second Empire. Et petit à petit, nos vestiges, tels qu'on les connaît quand on regarde du boulevard Saint-Michel le site de l'hôtel de Cluny, sont révélés, comme on dit dans le vocabulaire des archéologues que nous sommes, un peu tripalaires, ce qui pose de gros problèmes de conservation. Un acte 2 des travaux que nous terminons aujourd'hui, ça va être aussi de se poser la question de comment on va protéger ces vestiges qui sont à l'extérieur. Il y a quand même un état de conservation exceptionnel qui date bien des d'Amboise. J'en veux pour preuve le fait que, comme l'hôtel n'a jamais brûlé, nous avons toujours et la répartition des pièces et les sols et plafonds, mais aussi, et Adrien Gardère y a contribué fortement, nous avons gardé les circulations. Pas pour notre plus grand bonheur, pour faire un musée. J'aime autant vous dire que lorsqu'on a une porte qui a juste 2 cm à droite et à gauche pour être en accessibilité, on a eu chaud. Mais on n'a pas eu à bouger les portes telles qu'elles étaient. Et c'était chose d'une extrême importance dans la mesure où l'hôtel est quand même très bien conservé. Rien à voir, par exemple, avec l'hôtel de Sens de la bibliothèque Fornet qui, lui, est terriblement remanié. Et tout ça montre bien qu'au 19e siècle, tout ce qu'on regarde aujourd'hui comme l'enceinte du musée de Cluny, ça appartient à plein de personnes. Mais j'en veux pour preuve que lorsqu'on va dans les caves retravailler dans les sous-sols des thermes antiques, on voit des occupations de la période gothique, de la période moderne. C'était des réseaux de caves utilisés par les riverains, mais on ne sait pas qui était qui. C'est une revanche, bien sûr, du Moyen-Âge sur l'Antiquité, puisque l'Antiquité est sous le Moyen-Âge aussi. Revanche du Moyen-Âge sur l'Antiquité, oui, vous avez raison, c'est comme une mise en abîme. Il y a une forme de volonté de toute civilisation de dénigrer la précédente pour construire la dimension lumineuse qui lui appartient. Et donc, on peut dire ça, mais je dis souvent que le Frigidarium est avant tout un monument médiéval, parce que si les gens du Moyen-Âge ne s'en étaient pas occupés, ils ne seraient plus là. Donc, c'est toujours plus complexe. Le visiteur, nous tous, avons souvent besoin de ranger les choses. Mais le temps qui œuvre sur un monument ne rend pas toujours justice aux générations postérieures qui ont conservé le dit monument. On pourrait dire un peu la même chose de notre hôtel de Cluny, qui a quand même eu le loisir de ne pas être détruit parce qu'il ne cesse d'être occupé à la Renaissance. Nombre de personnages importants du XVIe siècle séjournent à l'hôtel de Cluny et ça contribue à sa conservation. Aujourd'hui, c'est l'ouverture aussi de la lumière dans le musée ? Oui, Adrien Gardère, le muséographe, a vraiment pensé depuis le début à cette lisibilité du monument. Pour ce faire, il a réouvert des fenêtres. Nous sommes ici dans la salle consacrée à la Sainte-Chapelle, qui, auparavant, vous en souvenez sans doute, Vincent, était noire. On était dans cette ambiance fermée, aussi parce qu'il y avait des œuvres fragiles présentées à l'intérieur. Donc, on assume que les gens puissent réaliser qu'ils sont dans le premier hôtel de Paris entre cour et jardin, ce qui est très important, parce que c'est une innovation dans l'urbanisme parisien. Adrien Gardère a réouvert des espaces de circulation pour qu'on comprenne les circulations intérieures. Il a également fait œuvre dans ce qui était notre salle qui datait du début des années 80 de l'orfèvrerie, de percement de la cage de béton, de sorte que lorsque vous êtes en train de regarder les céramiques hispano-mauresques et les vitraux rhénans du 15e siècle, vous portez votre regard et vous vous découvrez que vous êtes au-dessus des têtes des rois de la cathédrale Notre-Dame. Les travaux ont-ils été l'occasion de nouvelles découvertes, Isabelle Bardiès ? Elles ont été l'occasion de découvertes du point de vue des peintures dans l'hôtel, notamment dans la salle romane, où vous avez des peintures importantes qui appartiennent probablement au programme de Lenoir. On n'en est pas sûr, mais ça c'était une vraie révélation. On pourrait en crant un peu plus tôt, toujours pour revenir au monument antique qui m'importe aussi, citer quelques peintures surenduit dans les sous-sols par le travail de Véronique Legout, la restauratrice. Ça, c'est pour les découvertes les plus spectaculaires pour le monument. Elles restent ténues. Isabelle Bardiès, 21 salles, 24 000 objets. On commence par quoi ? Alors, 24 000 objets, c'est le numéro d'inventaire actuel du musée de Cluny. En fait, c'est pas exactement le nombre d'objets. On parle en fait d'entrée à l'inventaire. Il y a souvent un peu des confusions entre les deux parce que parfois, une entrée d'inventaire, c'est plusieurs objets. Bon. Et puis alors, il faut quand même rendre justice et faire un petit peu publicité à nos collègues et amis, presque les cousins germains, du Musée national de la Renaissance. Puisque Alain Erland-Brandenbourg, lorsqu'il co-dirige les deux établissements, c'est une idée qu'appartenait à son prédécesseur Francis Salé, mais il obtient de l'État français de consacrer un établissement qui était une école de la Légion d'honneur dans le château Renaissance d'Écouen, qui partage les mêmes commanditaires, les d'Amboise, installer 9000 entrées de notre inventaire qui relevaient des arts de la Renaissance. Et c'est la création du Musée national de la Renaissance qui, comme vous le savez, a eu 40 ans. Il est créé en 78 comme le Centre Pompidou. Et bien sûr à Écouen. Et bien sûr à Écouen, vous pouvez voir la suite des collections avec les petits numéros d'inventaire CL qui incarnent le fait que c'est la mémoire du fait que dans un premier temps, ils sont sur notre registre. Alors, c'est pas dire qu'on est moins riche, mais du coup, le terme de 24 000 est un peu prêté à confusion. En tout cas, faire revivre les objets, c'est raconter leur histoire. Histoire enfouie, histoire bien sûr cachée comme le trésor de Colmar. Alors, le trésor de Colmar, on a plusieurs trésors dans les collections. Le trésor de Colmar, qui est d'ailleurs exposé juste à côté d'un autre trésor extraordinaire, qui est celui de Gaillon, un trésor en argent. Le trésor de Colmar, son histoire est extraordinaire parce qu'elle révèle un moment très particulier du XIVe siècle, en plein milieu du XIVe siècle, qui est la peste, qui a été considérée comme une des pestes les plus importantes de l'époque médiévale. Et au moment de cette peste noire, on a particulièrement stigmatisé la population juive, la soupçonnant de véhiculer l'épidémie. Alors c'est vrai que dans le contexte que nous venons de traverser, ça fait sens que d'expliquer aux gens que, évidemment, cette famille juive, probablement d'orfèvre, a enfoui dans le quartier juif de Colmar ce trésor qui a été découvert au XIXe siècle, et la catastrophe fait qu'ils n'ont jamais pu venir rechercher leur trésor. On sait qu'il était un trésor juif parce qu'on est dans le quartier juif, mais aussi parce que dans l'ensemble, très abondant de bijoux, de pièces de bonnet, il existe une bague de mariage à édicule avec une inscription hébraïque qui nous montre bien, et c'est une tradition dans le monde juif que d'offrir en mariage une bague à petite maisonnette en chaton. Et donc, du coup, c'est un trésor juif dont un équivalent a été trouvé récemment en Allemagne à Erfurt. Ce sont les deux grands trésors médiévaux juifs qui existent encore en Europe. Où avait-il été caché ? Dans les sous-sols d'une maison. Et la découverte est assez mal documentée, il faut bien le dire, au contraire de celle d'Erfurt, qui est accompagnée d'un bagage scientifique plus important. Mais ce sont des fouilles du XXIe siècle. Ceci explique cela. Il y a aussi le trésor de Garazard, découvert en 1856. Alors, il est découvert autour de 1856, parce qu'en fait, à la Fuente de Garazard, à côté de Tolède, voilà qu'un militaire français à la retraite se pique d'acheter un terrain. Les Espagnols, dès qu'il a sorti de l'or du terrain, ont tout de suite vu qu'il avait dû avoir un renseignement sur le fait que c'était un endroit à acheter tout particulièrement. En fait, il sort, il a fait plusieurs campagnes. C'est assez opaque parce qu'il a fondu la plupart de ce qu'il a trouvé. Il s'est fait beaucoup de lingots personnels, mais il a trouvé un grand nombre d'effets écrasés à ce moment-là, parce qu'enfouis, qui correspondent à des couronnes votives byzantines extraordinaires, en or et en gemmes, qui sont trouvées donc autour de 56, sans doute sur quelques petites campagnes de fouilles qu'il mène. Et ensuite, il a, au-delà de ce qu'il fait fondre pour lui, il en cède certaines au Palais Royal de Madrid, où elles ont été volées au début du XXe siècle. Le trésor n'a pas eu beaucoup de chance, hein. Il a une histoire assez, mais qui en même temps est assez rocambolesque. Et puis, il sait que Edmond Dussommoir, le premier conservateur du musée de Cluny, est un formidable acquéreur. Intuitif, il a envie de composer un musée extraordinaire, Edmond. Et donc Edmond lui achète le trésor de Garazard, ou tout du moins ce que le monsieur possède encore. Il est tellement conscient de la préciosité de ce trésor qu'il fait faire à son ami Eugène Viollet-le-Duc des vitrines fortes qui se referment, qui ont été montrées par Jean-Michel Legnaud dans son exposition Viollet-le-Duc il y a quelques années pour l'une d'entre elles, et qui est aujourd'hui dans la cathédrale d'Angers, conservée dans la cathédrale d'Angers, classée monument historique, qui est notre vitrine du trésor de Garazard. Alors, ce trésor de Garazard est composé d'un grand nombre de couronnes et de leurs pendeloques, très importantes, certaines d'entre elles qui reconstituent le nom de Recesvint, ce qui nous permet d'être archi sûr que c'est un trésor wisigothique de facture byzantine et que ce sont donc des couronnes votives pour la cathédrale de Tolède, probablement, pour montrer l'allégeance du royaume wisigothique à la chrétienté. L'histoire est un peu bizarre parce que, lors de la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain effectue un petit voyage vers le général Franco. Et là, il demande à quelqu'un que connaissent bien tous les antiquisants, l'auteur de La vie quotidienne dans la Rome antique, Jérôme Carcopino, de concevoir une idée d'échange artistique. Et cet échange artistique fait que, en échange de quelques peintures espagnoles, partent des collections publiques françaises, non seulement la quasi-totalité des couronnes, il nous en reste trois, les autres sont à voir au Musée archéologique de Madrid, Tout le nom de RSS Vint, sauf le R qu'on a gardé ici et que vous pouvez découvrir dans la vitrine. Et puis, une œuvre plus ancienne, mais tout aussi emblématique dans cette période où il y a quand même un Troisième Reich qui a une prédilection absolue pour les Celtiques et pour la période alto-médiévale, parce que ça justifie un tout petit peu l'occupation germanique des sols. La Dame d'Elche, qui donne modèle à la princesse Leia, que chacun connaît, qui est elle aussi prélevée au musée d'archéologie nationale. Donc cet ensemble fait que ça nous montre bien, c'est l'évolution de la vie d'un trésor enfoui au moment de l'arrivée des Arabes en Espagne, disparu jusqu'au XIXe siècle, et puis après une accélération d'anecdotes qui rendent le cas Guarazar absolument passionnant. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Isabelle Bardiès, il y a aussi l'histoire de tête découverte dans une banque de la rue de Chaussée-d'Antin. Oui, alors là, c'est une illustration du fait que les historiens auraient peut-être pu le découvrir avant les années 70. Parce qu'en fait, on n'ignorait pas que le frère du savant Lacanal, banquier, avait acheté les têtes de lion au carrier qui les débitait à Notre-Dame. Et puis, l'histoire s'était totalement perdue. Et c'est lorsque cette banque qui n'existe plus aujourd'hui, qui était rue de la Chaussée-d'Antin, mais qui descendait directement du banquier Lacanal, a voulu faire un nouveau coffre, qu'ils ont trouvé dans leur sous-sol, pas vraiment enfoui, hein, mais ils ont retrouvé les sculptures, les têtes de Notre-Dame. C'est une découverte archéologique majeure. Moi, j'ai toujours usage de dire qu'au XXe siècle, il me semble qu'il y a les pirogues de Bercy et les têtes de Notre-Dame, dans le genre découverte archéologique majeure pour l'histoire de Paris. Et à ce moment-là, la planète des musées parisiens est absolument volontaire pour les accueillir, les dites têtes de Notre-Dame. C'est là que revient le nom d'Alain Erland Brandenburg, qui était vraiment un homme de communication extraordinaire, qui est décédé il y a peu de temps, et qui était un homme profondément visionnaire. Et alors, tant quand Michel Fleury à Carnavalet disait assez légitimement que pour ce qui était de la cathédrale de Paris, il était dans un musée d'histoire et d'histoire de l'art parisien, quand évidemment le musée du Louvre, qui ne discute même pas de sa légitimité, pensait que les sculptures de Notre-Dame, c'était parfait pour le Louvre, lui, il a l'idée concept de dire que déjà, il n'est pas loin de Notre-Dame, mais surtout, il a déjà une collection extraordinaire, avec toutes les statues acéphales, et surtout la dent du Jubé, qui était conservée au musée de Cluny, donc une pièce absolument majeure de l'art médiéval. Et puis il propose au banquier de concevoir la salle dans une cour qui séparait le frigidarium de l'hôtel et d'en faire un lieu où la banque pourra faire des manifestations. C'est l'explication du fait que les œuvres sont en pourtour de la salle toujours aujourd'hui, de sorte qu'on puisse avoir, et on en use toujours aujourd'hui pour des conférences ou des réunions, on puisse avoir un espace également, pas seulement festif, mais de rencontres. Et donc il conçoit la scénographie avec cette idée et il emporte évidemment l'adhésion des propriétaires qui font don au musée de Cluny de cet extraordinaire ensemble qui complète notre ensemble Notre-Dame. Et alors, l'actualité récente fait rebondir encore cette découverte avec les éléments du Jubé qui sont en ce moment découverts et pour lesquels l'INRAP a beaucoup communiqué ces derniers temps. Et c'est vrai que nous nous souvenons bien que la dent participer du décor intérieur de la cathédrale aussi, et nous verrons si les éléments du Jubé peuvent providentiellement rejoindre les collections, ou franchement, sans vouloir être trop militantiste, ça ferait sens que ça se trouve au musée de Cluny. Cette découverte du Jubé, c'est la troisième grande découverte. Vous m'en citiez deux, les pirogues de Bercy, et bien sûr ces sculptures découvertes dans un coffre-fort, mais c'est quand même probablement la troisième belle découverte. Pour le XXIe siècle, oui, assurément. Et puis je suis sûre que tous les archéologues qui m'entendent vont avoir peut-être quelques idées que je n'ai pas eues à l'instant. Et définitivement, ces découvertes, elles sont extraordinaires. L'archéologie, c'est une science du passé, c'est une science de l'ultra-présent. Elles s'inscrivent dans la cristallisation de notre sentiment qui va très au-delà de toute dimension religieuse, de notre sentiment de familiarité et d'intimité avec Notre-Dame de Paris. Je ne suis pas certaine, mais on peut en discuter, que la découverte de ces éléments du Jubé au début du XXe siècle aurait suscité le même intérêt que celui qu'il suscite aujourd'hui. Un dernier mot sur ce Jubé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est peint et que le Louvre n'a visiblement que des éléments, 8 éléments, non peints, où il n'y a rien. Alors non peints ou dont la peinture a été retirée, c'est toute la question. Mais c'est sûr que la situation de découverte parce qu'on fouille a protégé probablement une polychromie qui peut ne plus exister sur des objets qui étaient depuis plus longtemps extraits. Même le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, la Dame à la licorne, a une histoire invraisemblable. Elle a une belle histoire, mais je me demande si ça participe pas de sa célébrité d'ailleurs, le fait que son inventrice s'appelle George Sand. Alors George Sand, elle est pas loin de son Berry, elle va à Boussac à un mariage, et là, elle voit ça. Elle écrit à Prosper Mérimée, grand ami qui a été amant mais très fugitivement parce que je crois qu'elle a jugé qu'il était mieux comme ami que comme amant. Elle l'a écrit, ça, je crois. Enfin, elle écrit à Prosper. Et d'ailleurs, c'est là qu'elle s'en mêle un peu les pinceaux, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'elle dit qu'elle la voit, cette pièce. Ça donne l'occasion à certains romans. Il y a une romancière américaine qui a imaginé qu'il nous en manque une. Elle se trompe, visiblement. Il y en avait bien 6, parce que ça marche, les 5 sens et À mon seul désir. Et Edmond Dussommoir est au cœur d'un cercle artistique et intellectuel. Donc Prosper Mérimée, qui travaille, puisque le monument historique et le musée marchent ensemble au début de l'histoire du musée, en parle à Edmond Dussommoir, qui l'achète. C'est une des dernières acquisitions d'Edmond. Il est sur la fin de sa vie. Il sait combien elle est importante, cette acquisition, parce que il réédite son catalogue en 1883 pour l'accueillir. C'est un catalogue identique du précédent, sauf cela. Et Georges Sand, donc, extrait de Boussac, cette tapisserie qui est l'acmé de l'art médiéval posé au début du XVIe siècle, une forme de pot-pourri, pourrait-on dire, sur ce tapis mille fleurs, de tout ce que véhicule la poésie et l'imaginaire médiéval, la figure de la licorne, christique, de pureté, la dimension héraldique du lion, la beauté courtoise de la jeune femme, les bijoux, les tissus auxquels nos collections répondent. C'est un peu comme si, à la fin de sa vie, de 40 années d'avoir été le premier conservateur et un homme extraordinaire pour nous, Edmond Dussommoir trouvait la cristallisation. Après avoir acheté le trésor de Guarazard, après avoir acheté l'Antependium et la Rose d'Or de Bâle, quand même, pardonnez du peu, et j'en passe. Et là, il vient dans le cadre profane, ce qui permet aussi au musée de Cluny de dire que oui, l'art médiéval n'est pas que religieux, offrir au musée de Cluny ce chef-d'œuvre. Et son pendant, qui est au Cloisters de New York, il a aussi une histoire extraordinaire que je n'ai pas le temps de vous raconter, et ça n'a jamais pris pareil. C'est très drôle. En tout cas, cette tapisserie extraordinaire est découverte dans un château de la Creuse, hein, je crois. Elle reste quand même énigmatique. Son sixième panneau, À mon seul désir, fait rêver, bien sûr. Oui, alors, Georges Sand, elle est allée à Boussac, donc dans la Creuse, effectivement, et dans le château de Boussac. Et ce sont d'ailleurs, c'est la famille de Boussac qui a été commanditaire, pensons-nous, de cette tapisserie. Dans ce château de Boussac, le mariage se tient dans la salle nuptiale de l'hôtel de ville, et les tapisseries sont restées là, qui appartiennent à l'histoire ancienne du château. Donc on est bien dans la Creuse. Et ce cycle-là se réfère à un contexte marial, assurément, avec les 5 sens, qui sont bien identifiables, et la 6e pièce de la tenture, et la jeune femme, entre la licorne et le lion de profil, se tient devant une tente, façon tout à fait les tentes du temps de François Ier, on est en 1515 à peu près précisément, hein, À mon seul désir. Et sur un textile de soierie extrêmement riche, elle verse dans un coffret un ensemble de bijoux extraordinaires. Alors, les rentelles et le À mon seul désir de l'époux prend ainsi une connotation qu'on peut qualifier de relativement austère. Ou bien se choisit-elle des bijoux, auquel cas elle est dans la jouissance de cet élan amoureux ? C'est là que le débat existe, et c'est cette poésie, c'est cette impossibilité de saisir un sens univoque qui, à mon avis, confère à la dame à la licorne son prestige et sa force sur l'imaginaire collectif. Isabelle Bardiès, des tissus médiévaux ou byzantins, vous en avez. Leur cycle d'exposition est très particulier. Oui, alors on est ravis, avec ma collègue Christine Descatoire, qui s'occupe des tissus occidentaux et moi des orientaux, de pouvoir enfin montrer régulièrement, tout le temps, qu'il y a de grands chefs-d'œuvre de l'art textile médiéval dans les collections du musée de Cluny. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'effectivement, les tissus ont des règles de conservation, de fragilité, qui nous imposent de les mettre au noir un certain nombre d'années versus un certain nombre de mois d'exposition. Ça marche un peu mécaniquement, c'est une question d'exposition au luxe et surtout aux ultraviolets. On arrive bien à contrôler les ultraviolets aujourd'hui dans un musée, qui sont ce qu'il peut y avoir de pire, hein, vous mettez n'importe quoi sous le soleil, ça se passe mal. Mais par contre, pour les luxes, on est obligé de faire des rotations. Tous les 4 mois, nous proposerons en 3 endroits du musée des rotations de nos collections textiles. Et on a composé des petites thématiques, ça fait des mini-expositions dossiers. Mais les amateurs de textiles ont rendez-vous chez nous désormais pour tout le temps pouvoir voir des textiles au musée de Cluny. Est-ce que la réouverture de ce grand musée est l'occasion de nouvelles acquisitions ? Alors, les acquisitions chez nous ne se sont jamais arrêtées. Et c'est vrai que vous êtes très pertinent de souligner les politiques d'acquisition. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons pu préempter un feuillet enluminé de Colombes qui nous avait été mis en évidence par la complicité de François Avril, qui est un grand spécialiste des enluminures, qui était présent en salle de vente à Fontainebleau. Cette préemption s'est bien déroulée et c'est très important pour nous parce qu'on a parlé des textiles, mais nous avons la même politique pour les enluminures. Le musée de Cluny peut acheter des feuillets, ce qui est interdit à la Bibliothèque nationale de France, comme vous le savez sans doute, puisqu'on considère à la Bibliothèque nationale de France qu'un livre n'a pas à avoir été dépareillé. Nous, on n'encourage pas du tout ce marché, mais néanmoins, nos collègues de la Bibliothèque nationale sont très contents qu'on puisse garder dans les collections publiques des feuillets qu'ils ne sauraient pouvoir acheter. Et c'est une politique pour nous d'acquisition qui va nous permettre les fameuses rotations. C'est même vrai pour les textiles, Vincent. On a certes des collections extraordinaires, mais à un moment donné, il sera bienvenu d'avoir plus de pièces afin de faire tourner nos collections. Il y a aussi le rétable de la passion. Alors, cette politique d'acquisition qui est ciblée autour d'une politique d'exposition, et puis il y a les opportunités extraordinaires qui, quand elles se présentent à nous et complètent les collections, sont évidemment providentiellement rentrées dans les collections. Après, il y a l'équation aussi financière. Par exemple, nous ouvrons en ce moment une souscription pour pouvoir acheter un extraordinaire Christ en ivoire, attribué sans doute très légitimement par rapprochement avec un autre exemplaire reconnu être de Pisano au Victoria and Albert Museum de Londres. Nous y sommes presque, mais pas tout à fait. Une souscription est en ce moment ouverte pour nous aider à nous porter acquéreur de cette œuvre qui viendrait rejoindre la salle déjà très impressionnante du XIVe siècle italien au musée de Cluny, qui fait partie des redécouvertes, je pense, de la nouvelle muséographie. Et puis le Moyen-Âge n'est pas que religieux, vous le disiez tout à l'heure. Salle 19, vous présentez des jeux. Oui, et avec toujours beaucoup de plaisir, parce que je garde un attachement profond pour ce sujet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années. Alors, c'est une présentation qui se réfère uniquement à nos collections, mais elles sont loin d'être indignes. Il y a déjà un premier rendez-vous ludique dans la salle romane, avec une pièce extraordinaire, qui est une reine islamique remployée en reliquaire pour la cathédrale de Reims, avec des scènes qui se réfèrent probablement à la vie de Clovis et à son baptême. Et puis dans la salle 19 que vous évoquiez, une vitrine sous le regard complice et amoureux de nos joueurs d'échecs de l'hôtel de Bessé de Villefranche-sur-Saône, un très bel vitrail du 15e siècle, nous montrons une boîte de jeux, probablement plutôt début 16e, de belles pièces teintes de morse, et puis deux pièces, un fou et un roi scandinave que j'aime beaucoup, du 15e siècle. Manière aussi de montrer aux gens qu'on joue à la merelle, qu'on joue au tric-trac, et que les échecs sont vraiment le jeu de prince, le jeu de roi, on joue sa vie sur un plateau en fait. En tout cas, Isabelle Berbardiès, ce que vous présentez, c'est de l'histoire de l'art ou de l'archéologie ? Mais pourquoi vouloir séparer tout ça ? C'est bien sûr de l'histoire, parce qu'il y a un fil chronologique que nous assumons. Donc ce fil d'Ariane, il ne faut pas renier qu'il y a une dimension d'histoire. Mais c'est un musée qui possède une collection qui se réfère à l'histoire de l'art. Nous sommes en train de parler tous deux devant les apôtres de la Sainte-Chapelle, qui figurent parmi les plus grands chefs-d'œuvre de la sculpture du XIIIe siècle en Europe, et qui sont quand même un peu, pour certains d'entre eux, bien fragmentaires. Et les vitraux de la Sainte-Chapelle qui sont installés aux côtés d'eux ne sont pas des objets de l'archéologie, puisqu'ils furent à un moment donné déposés par les monuments historiques au musée de Cluny voisin. Il y a une intrication. Et moi, je fais partie de ces gens qui, travaillant sur les périodes anciennes, considèrent que les archéologues peuvent trouver des œuvres d'art, que tout n'est pas artistique, et que donc, ces frontières, le musée de Cluny, je pense, est une institution qui est assez rare parce qu'elle participe de l'abolition de ces frontières dans la définition des œuvres. Nous ne sommes pas un musée beaux-arts, il y a des œuvres qui appartiennent totalement au registre des beaux-arts. Nous sommes un musée où on pourrait dire que tout est archéologie, mais évidemment, on n'a pas toujours les collections d'artefacts comme on aimerait pour la vie quotidienne du Moyen-Âge. Un musée, c'est toujours une sorte de mot de compromis et noble, en fait. C'est une synthèse. Un musée, on peut le faire qu'à partir de ce qu'on a, nos collections. Et quand je regarde aujourd'hui les salles que nous avons recomposées avec l'ensemble de l'équipe du musée de Cluny, je me dis que quand même, ce musée de Cluny, pour le Moyen-Âge, oui, il parle d'archéologie, de beaux-arts et d'histoire, histoire de l'art et histoire. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Stéphane Touvenin, et avec bien sûr la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr.